près du Playmobil avec le bagnard. On va finalement le retrouver ici, dans ce journal satirique qui est pourtant reconnu comme relativement progressiste, et pourtant, même très très à gauche, et pourtant on a le stéréotype de l'époque, à savoir le bagne considéré comme une prison 3 étoiles, avec un boulet de canon qui est accroché, un bagnard qui est bien gros, bien gras, une bouteille de... il est marqué père, on peut supposer que c'est du Pernod, quoi, mais... et puis le noir, le nègre de l'époque qui tient la palme de la branche de panier pour faire du vent. Bref, on a le bagnard qui serait tellement bien installé qu'on se demande pourquoi il est bagnard. La réalité, elle est tout autre, et finalement c'est ce que permet ce livre sorti chez Libertalia cette année. Des hommes et des bagnes, et elle est complètement, mais radicalement, radicalement inverse. Alors comment ce livre a pu se faire? À l'époque, avec les éditions de La Pinche, je travaillais sur la réédition du 18 ans de bagne de Jacob Lowe. Jacob Lowe, qui est un anarchiste russe juif condamné en 1907, pour avoir tiré le 1er mai à Paris sur la troupe qui chargeait les manifestants parisiens. Et donc on voulait rééditer ce livre sur le bagne, un livre de souvenirs qui est poignant, qui parle plus de la souffrance que du bagne en tant que tel. Et au fur et à mesure de notre projet, donc on voit que sur ce livre il y a une préface de Claire Ozias, qui avait réédité déjà le Jacob Lowe une première fois avec les éditions Egregore en 2005, et par le biais justement d'Alexandre Marie Jacob, dont j'anime un blog depuis 2008, cette personne, Philippe Collin, m'a contacté en me disant « Oui, mon grand-père, tu sais, il voyageait sur le bateau Le Loir, et il était médecin. » Très bien. Sauf que il rajoute, il prenait des photos et puis il prenait des notes aussi, et il a rencontré Jacob Lowe. Donc il me demande je lui demande de m'envoyer un extrait, ce qu'il fait immédiatement, et ça correspondait tellement à ce qu'écrivait Jacob Lowe que on a inséré l'extrait et la photographie qu'il nous a donnée de Jacob Lowe dans le 18 ans de bagne, et puis au fur et à mesure il nous a donné l'entièreté des manuscrits de son grand-père sur Léon Collin, de son grand-père sur ce qu'il a pu prendre comme photo et prendre comme note. Et en lisant ça, on savait immédiatement qu'on tenait quelque chose de totalement inédit sur cet univers carcéral particulier qu'a été le bagne, sauf que une petite maison d'édition comme Lapine ne pouvait pas le faire, donc on a transmis à l'occasion d'un salon du livre à Lyon, le manuscrit à Libertalia, qu'il a lu dans la soirée, qu'il le lendemain nous a dit « Banco, on le fait ». Et ça a donné 2 ans de travail pour faire ce livre. Alors, à la base, l'auteur, c'est Léon Collin. On le voit là, habillé en bourgeois, ce qu'il est, hein, il est médecin. Et la deuxième photo est tout aussi intéressante parce qu'il transporte avec lui tous les bagages qui vont le suivre. Non pas en Guyane, mais en Nouvelle-Calédonie. Et il est d'abord affecté comme pour le transport des bagnards en Guyane de 1907 à 1910. Et il est chargé de... pardon. Il est chargé de soigner les bagnards. Et quand il ne soigne pas les bagnards, Léon Collin, il est né en 1880. Donc il a 27 ans quand il part en Guyane. Donc quand il ne soigne pas les bagnards, il les prend en photo, il prend des notes. Et quand le Loir... qui fait 2 voyages par an, reste en Guyane, mais il va se promener dans tous les chantiers, enfin les camps, les camps forestiers, dans les bagnes de Guyane. Et au final, il va donc faire, sachant qu'il y a 2 voyages par an, qui commence en 1907 et qui termine en 1910, il va faire au moins 7 voyages, et il a le temps de visiter quasiment tous les bagnes et tous les camps forestiers de Guyane. Et de 1907 à 1913, il va de 1910 pardon, à 1913, il est affecté pour des campagnes de vaccination en Nouvelle-Calédonie. Et là, même chose, mais de manière plus durable dans le temps, il va en profiter pour visiter les bagnes de Nouvelle-Calédonie. Même si on a arrêté d'envoyer les forçats en Nouvelle-Calédonie à partir de 1897, ce qui veut dire qu'il ne va pas rencontrer le même type de personnage en Guyane comme en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, il va voir les vieux bagnards qu'on laisse mourir pour pouvoir fermer le bagne de Guyane. Au fur et à mesure de ces notes, on s'aperçoit que Léon Collin change. Mais au départ, ces deux carnets, 4 ans chez les forçats et fin de bagne en Nouvelle-Calédonie, ce sont que des notes. Et dans les années 50, on ne sait pas pourquoi, il les a compilés. Avait-il l'intention de le faire publier? On n'en sait strictement rien. Je pense sérieusement que non, qu'il a fait ça pour lui. Et ça a donc été déniché par Philippe Collin dans le grenier familial, avec toutes les plaques photographiques qu'il a pu prendre. Et au final, on a un corpus complètement inédit, à une époque où le bagne vit une espèce d'âge d'or. Et tout le travail qu'on a pu faire pendant 2 ans, 2 ans et demi avec Philippe Collin, donc le petit-fils, a été de retrouver les noms des bagnères cités, de retrouver d'expliquer certains passages, parce que on s'aperçoit qu'au départ c'est un beau voyage, c'est un très beau voyage, c'est conçu comme des livrets de voyage, et c'est très à l'époque, hein, les livres de souvenirs, les souvenirs de voyage, on peut penser à Pierre Loti, etc. Donc c'est très à la mode dans le monde bourgeois qui voyage, sauf que lui il a choisi une destination particulière, puisque dans ce paquebot, le Loire qui est affrété par la société nantaise de navigation, c'est le premier bateau conçu spécialement pour ce type de transport, où on enferme les hommes dans des cages qui contiennent à peu près 100 personnes. Il y a 6 cages dans le fond du bateau. Donc ça fait à peu près 600 personnes qui sont entassées comme des animaux. Le voyage dure à peu près 21 jours, sachant qu'on part de Saint-Martin-de-Ré, donc dans les Charentes, et on fait une escale en Algérie, où on vient chercher les déportés bagnards d'Afrique du Nord, en fait d'Afrique tout court. Et pendant ces 21 jours, donc ces bagnards sont parqués dans des cages. Ils ont droit à une heure de promenade. Ce qu'on appelle la promenade, c'est ça, c'est ce que vous voyez là. Ils sont parqués pendant 15 à 30 minutes, en fait, le temps qu'on nage, qu'on nettoie les cages, puisque à l'intérieur, bon, ben, il n'y a pas tant d'aération que ça. Ça sent horriblement mauvais. Ça donne finalement un aperçu de ce qu'ils vont vivre dans les terres de grande punition. Et ça, rien ne prédisposait Léon Collin à voir ça, sauf qu'il a pris des photos. On s'excusera pour le... On a eu un problème technique de changement de PowerPoint. Et donc, comme dans tout souvenir de voyage, il va décrire des paysages quasiment paradisiaques. Ici, vous avez l'île Royale avec les bâtiments de l'administration pénitentiaire. Il l'écrit, hein, aussi. Il va décrire une île verte, verdoyante. Ce sont des mots qu'on retrouve aussi chez Albert Londres, qui parlera par exemple pour les îles du Salut de décors pour femmes élégantes avec ombrelles, et il termine son paragraphe en disant les îles du Salut, c'est l'effroi des forçats. On sera surpris aussi de voir cette photo de l'allée des palmiers à Cayenne. Donc c'est vraiment des décors, on a l'impression d'un guide touristique. Même chose en Nouvelle-Calédonie, où on retrouve la baie de Nouméa. Et petit à petit, on va plonger dans son discours, dans son recueil de souvenirs, dans une galerie d'hommes punis. Là, il faut comprendre que le médecin, c'est un homme de son temps. On est en 1907, et s'il fait ces voyages, c'est aussi pour voir ce que la presse de l'époque, lui a montré. Mais lui, il va les voir en tant qu'homme puni. Et au bagne, on a 3 catégories. Vous avez ici une photo de Ulmo, qui est un déporté, c'est-à-dire un prisonnier politique. Il faut savoir qu'au bagne, ils ont été une minorité, une infime minorité, mais ce sont quasiment tous des célébrités. Ulmo, lui, les déportés politiques, ils sont cantonnés aux îles du Salut, mais pas dans n'importe quelle île, ils sont à l'île du Diable, là où a été enfermé Alfred Dreyfus. Ulmot, il est condamné parce qu'il a vendu des secrets militaires à l'ennemi, donc à l'Allemagne. Et ça a fait, bien sûr, les choux gras de la presse. Deuxième catégorie de bagnards, les transportés, c'est-à-dire les condamnés aux travaux forcés. Eux, ils sont au bagne en vertu de la loi qui crée le bagne en 1854. C'est-à-dire que leur condamnation les astreint à des travaux forcés hors métropole. La loi de 1854 prévoyait n'importe quelle colonie sauf l'Algérie. On a choisi la Guyane d'abord, et vous verrez dans mon propos que c'est pas innocent, ce choix de la Guyane. Troisième catégorie d'hommes punis, de bagnards, le monsieur que l'on voit là est un monsieur qu'on a arrêté avec sa famille parce qu'il tentait de regagner la Hollande, qui était la famille de sa femme. Et comme elle est tombée malade, ils se sont arrêtés à Bordeaux pour hospitalisation. Et là, il a tout de suite été reconnu parce qu'il s'agit d'un relégué qui s'est évadé. À la différence des transportés, des condamnés aux travaux forcés, les relégués jouissent d'une certaine liberté. Ils dépendent de la loi de 1885, en fait. Elle envoie au bagne cette loi de 1885, à la relégation, tous les multirécidivistes condamnés en métropole. Autrement dit, ils ne doivent jamais rentrer. Donc Léon Collin va voir toute cette faune. De 1854 à 1938, date de l'arrêt de la transportation, c'est environ 100 000 personnes, 100 000 personnes qui vont être éliminés de l'espace hexagonal, 75 000 en Guyane, 25 000 en Nouvelle-Calédonie. Alors, je vous donne déjà les deux espaces. Il faut savoir que la Guyane, ça commence de 1854 jusqu'à 1867, et puis on arrête en 1867 parce que les bagnards y mouraient trop. Puis ça va être la Nouvelle-Calédonie jusqu'en 1897. Mais là, on arrête la transportation en Nouvelle-Calédonie parce que l'opinion publique jugeait que on ne mourait pas assez en Nouvelle-Calédonie et que les conditions de vie étaient trop bonnes sur ce qu'on appelle le caillou. Alors, au fur et à mesure de cette lecture, vous verrez que finalement, Léon Collin, il est très attaché à la. C'est un homme de son temps, donc il va photographier les gens dont il a vu le nom dans la presse, les gens qui ont fait les choux gras médiatiques dans cette presse de cette belle époque. On est entre 1907 et 1913. C'est une époque où on véhicule le sentiment d'insécurité, où le crime s'étale sur toutes les feuilles de journaux, où on cherche finalement à faire peur à l'opinion publique pour faire passer des lois de plus en plus répressives, la loi de 1885 par exemple sur la relégation. Et donc forcément dans des hommes et des bagnes, vous allez avoir, j'allais dire, du fait divers sordide et médiatisé, comme par exemple ces trois hommes. Au centre, vous avez le dénommé Brancheri. La presse a appelé ce fait divers l'auberge rouge de Langon, parce qu'en 1907, ils ont passé de vie à trépas le receveur des postes qui s'était arrêté dans leur auberge. En cherchant sur Gallica, c'est-à-dire le site de la Bibliothèque nationale de France, dans tous les journaux de l'époque, on s'aperçoit que, oui, ils vont faire la une des journaux pendant 7-8 semaines, et leur procès va être un procès à sensation. On va avoir dans le sordide la malle sanglante de Monte-Carlo. Alors c'est peut-être le petit vieux que vous avez là, c'est un ancien champion de tennis. C'est même le troisième finaliste de Wimbledon, il s'appelle Verigold. Il est d'origine irlandaise, et comme toute, c'est pour ça qu'il ne faut jamais faire de sport, comme toute vedette médiatique, il va sombrer dans l'alcoolisme, le jeu, bref, il finit sa vie à Monte-Carlo. Il se trouve qu'avec sa compagne, ils n'ont plus d'argent, et ils croisent la route d'une riche veuve danoise qu'ils vont tuer, et ils s'emparent du magot de la personne, et ils Il fuit sur Marseille. D'ailleurs, son enfant arrêté à Marseille. Et la police vient les chercher en Gardie parce que ils avaient emporté le corps avec elle dans une malle qu'ils avaient coupée. Ils avaient coupé le corps en morceaux. Il se trouvait que la malle fuyait un peu. Donc, ils se sont fait prendre comme ça. Et la malle sanglante de Monte Carlo, là aussi, pareil, a fait largement les choux gras. Il y a des histoires sordides comme celle-là. Quasiment à toutes les pages, et ça vous montre que ce bonhomme Léon Collin, il est largement attentif à ce qu'on dit à l'époque, au point qu'on pourrait même dire qu'il est un brin réactionnaire, parce que pour lui c'est normal d'envoyer ces gens-là mourir en Guyane. Pas le personnage qui a le chapeau, mais on en reparlera tout à l'heure, mais celui qui est à droite, il s'appelle Brière, et en 1901, donc c'est bien avant Léon Collin, mais Brière est encore plus énorme. On s'aperçoit que l'affaire Brière du quintuple infanticide de Corrèze va quasiment de 1901 à 1910, date de la mort de Brière. Et Brière, cet homme qui est en l'infirmerie des îles du Salut, et Brière est accusé donc d'avoir tué ses 5 enfants qu'on a retrouvé un beau matin, le crâne fracassé. La presse n'est pas avare de détails, hein, va vous décrire, mais comme Léon Collin, elle va vous décrire les traces de cervelle sur le mur, etc. On va même retrouver Brière dans la rue, assommé. Il dit qu'il a été attaqué. Et l'enquête va prouver que finalement, il y a d'énormes doutes. Ça amène au procès de Brière, il est jugé coupable. Et l'affaire fait tellement de bruit parce que Brière se défend absolument d'avoir tué ses mômes. Et au point que la presse de l'époque va parler d'une nouvelle affaire Dreyfus. Si bien que lorsque Léon Collin le rencontre, il discute avec lui, il est convaincu de l'innocence de Brière. Donc on a un médecin qui ne fait pas que regarder comme on va au zoo des bêtes fauves. Il est aussi imprégné de l'opinion de son temps. Donc forcément, Brière va photographier des vedettes de cour d'assises. On retrouve Brière, mais à côté de Brière, c'est Manda, l'amant de Casque d'Or. On n'a pas par contre la photo de l'autre amant de Casque d'Or, le cas avec qui avait provoqué cette rixe sanglante. On a la photo de l'anarchiste Jacob Lowe, celui qui porte le bonnet, qui est une photographie totalement inédite et qu'on a mis dans les 18 ans de bagne. À côté de lui, on a un Hervy marseillais qui s'appelle Gianelli, me semble-t-il, qui va mourir quasiment 6 mois après être arrivé au bagne. On a celui qui, en 1907, va provoquer Soleillant, celui qui, en 1907, va provoquer la bronca, le tollé médiatique contre la politique du président, à l'époque c'est Falière, me semble-t-il, oui, du président Falière, qui veut abolir la peine de mort. L'histoire de Soleillant, qui est tout aussi sordide que les autres, hein, c'est l'histoire d'un ouvrier parisien à qui ses voisins, les Herberling, confient la petite Marthe pour qu'il l'emmène au théâtre. Sauf que le seul problème, c'est que Soleillant va revenir tout seul et que la petite Marthe, on va la retrouver pareil comme dans une malle. Donc assassiné, violé, enfin bref. Et donc la presse va se déchaîner sur Soleillant, sur le pédophile Soleillant, en disant que voilà ce qui va lui arriver. Il sera condamné à mort. Il va être gracié par le président Falière. Et elle emboîte immédiatement sur le projet du président Falière, ou le projet qui avait été déposé en 1907 à l'Assemblée nationale pour abolir la peine de mort. Et le petit Parisien, la même année 1907, il faut voir que l'affaire Soleillant, c'est quelque chose d'énorme. Ça dure au moins un an. Et au début, à la fin de l'année, 1907, c'est le petit Parisien qui lance un sondage, un référendum, et demande à ses lecteurs de se prononcer contre l'idée de l'abolition. Si bien qu'en 1908, quand le projet passe à l'Assemblée, il est rejeté par 330 voix contre 201. Ça s'explique aussi, cette affaire Soleillant, pourquoi on a eu l'abolition de la peine de mort qu'en 1981. Donc ces gens-là ne peuvent que retenir l'attention d'un bonhomme qui, quelques années auparavant, ou même sur le moment, a entendu parler d'eux. Ulmo que l'on retrouve, donc le traître Ulmo, celui qui a vendu des secrets militaires à l'Allemagne. Et en Nouvelle-Calédonie, il rencontre des plus vieilles vedettes comme Berezovsky, qui en 1867, voilà, il est tout vieux, hein, Berezovsky, là, il va pas tarder à mourir, mais en 1867, Berezovsky, donc cet immigré polonais, assiste au passage du carrosse du tsar Alexandre II et de Napoléon III, et Berezovsky a très mal vécu la répression des indépendantistes polonais faits par les troupes tsaristes, et donc du coup, Berezovsky a préparé son attentat. Il l'a tellement bien préparé qu'il se trompe de rue, et il a juste le temps de courir pour voir le passage du carrosse, et manque de bol, quand il tire, sa main dérape, et non seulement il se blesse à la main, mais le coup de feu est dévié, il tue les chevaux du carrosse, mais pas le tsar. Ça l'envoie immédiatement en Nouvelle-Calédonie, et là on sent déjà un passage chez Léon Colin, quand il parle de Berezovsky, il parle d'un petit vieux qui est tout sage. Effectivement, tous les rapports du bagne montrent que Berezovsky n'a jamais été un homme extrêmement dangereux, si bien qu'il y a même des campagnes pour demander sa libération. Et en fait, on s'aperçoit que jusqu'à sa mort, il doit rester mourir en Nouvelle-Calédonie parce que le contexte politique international de l'époque interdit tout retour en France. Puisque quand les campagnes se font plus intenses pour libérer Berezovsky, c'est le pacte germano, la triple entente qui est en train de se faire, donc le pacte entre la France et la Russie qui est en train de se signer. Donc faire rapatrier Berezovsky, ça aurait été faire échouer même sous la République, faire échouer un affront fait à la Russie sous le Second Empire. Donc, dans un premier temps, on va voir des vedettes de cour d'assises, ces souvenirs, c'est un brin voyeuriste. On voit des hommes célèbres, on voit, je ne vais pas dire que c'est le gala de l'époque ou le gala des prisons de l'époque, mais c'est surtout intéressant parce que, au-delà de cette foule de vedettes, il va photographier les anonymes du bagne. Ici, embarqué à Alger, hein, donc. On a le vapeur de Loire qui vient de La Rochelle, qui va faire son détour de 7 jours pour récupérer ces hommes punis. Et parmi les hommes punis d'Alger, beaucoup sont tatoués parce qu'ils viennent des bagnes militaires de Tunisie, d'Algérie. Et ces bagnes militaires, donc là aussi on a un propos très très très voyeuriste, puisque il va photographier des tatouages à caractère sexuel qui souvent chez les bagnards annoncent la prostitution du bagnard avec ses codétenus. Donc les foules d'anonymes, et petit à petit on pourrait même se demander s'il y a un discours stéréotypé dans cette ère du temps comme je viens de le faire, et puis qui correspond effectivement pour ceux qui ont des enfants à ce qu'on peut trouver chez les jouets Playmobil, hein. Donc ce bagnard, c'est la seule photo qui ne soit pas une photo prise sur le moment, c'est une reconstitution. Parce que les bagnards enchaînés en train de casser des cailloux, le mythe de casser des cailloux à Cayenne, ça quasiment jamais existé, en tout cas pas comme ça. La photo, elle est prise en Nouvelle-Calédonie, et Léon Colin a demandé à un bagnard de poser. Hein, si au début du bagne en 1854 on avait des chaînes, si on mettait des boulets au bagnard, ça n'a été que dans les bagnes portuaires qui ont eu lieu entre 1781 et 1854, date de création des bagnes coloniaux. Donc finalement, on pourrait se dire, après tout, ce sont des souvenirs stéréotypés sur le bagne, très dans l'air du temps, très dans cette époque où le bagne vit un âge d'or. Et finalement, on s'aperçoit que, au fur et à mesure des pages, Léon Colin nous montre que on envoie ces hommes pour mourir par le travail. Ils ont été, j'ai dit tout à l'heure, 100 000 à peu près à être condamné au bagne, que ce soit sur la déportation, la transportation ou la relégation. Sur ces 100 000, ils seront 75 000 en Guyane et 25 000 en Nouvelle-Calédonie. Pour ce qui est de la Guyane, il ne faut pas dire bagne, mais il faut parler des bagnes, puisque les bagnes, ce sont des camps de travail à ciel ouvert. Alors, je sais que certains historiens ne sont pas d'accord sur le terme de camp de concentration, mais si vous prenez cette photo du camp de Charvin, alors Charvin, c'est un camp où on mettait les bagnards disciplinaires, les bagnards incorrigibles, ceux qui étaient réfractaires aux ordres des agences, ceux qui ont tenté plusieurs fois de s'évader. Et c'est un camp qui se situe à environ une cinquantaine de kilomètres, 50-60 kilomètres de Saint-Laurent-du-Maroni, et c'est en pleine forêt amazonienne. Les bagnards y travaillent quasiment nus. Là, ils sont nus parce que c'est une visite médicale. Et ils doivent faire leur stère de bois journalière. Sinon, ils ne sont pas nourris. Quoi. Ils sont, il faut qu'ils les abattent. Donc, même avec la solidarité entre bagnards, on a des corps qui sont complètement anémiés par le manque de travail, par la faim, des corps qui sont complètement meurtris. Et cette photo, elle est terrible parce que, pour deux raisons, elle est connue, la première. C'est une des rares photos qui a filtré dans la presse de l'époque et qu'on retrouve dans des livres d'historiens. Notamment, je pense à un historien qui s'appelle Michel Pierre qui, dans son guide Gallimard sur le bagne, marque que cette photo-là est inconnue. On sait désormais qu'elle est de Léon Collin. Mais surtout, Léon Collin, de temps en temps, commente les photos et il dit que le personnage qui est couvert par le, qui a un chapeau et qui est tendu, 2 à 3 minutes après le clic de l'appareil, ben, il mourrait. Donc je disais que cette photo du camp de Charvin, où ces hommes passent une visite médicale nue, si vous enlevez le décor luxuriant de la Guyane, parce que la Guyane, elle n'a pas besoin de barrières, hein, elle n'a pas besoin de miradors, la forêt s'en charge, la forêt est largement infranchissable. Sur les îles du Salut, il y a la mer qui est infestée de requins et qui a des courants très forts. Bref, c'est des prisons à ciel ouvert, mais enlever le décor, rajouter des miradors, vous vous retrouverez dans n'importe quel camp de concentration, dans n'importe quel goulag stalinien, dans n'importe quel camp où on a enfermé des gens. Ce sont les mêmes types de corps. Après, on peut toujours débattre sur ce qu'ils ont fait, c'est pas l'intérêt ici. Le but du bagne, c'est finalement éloigner très loin de la métropole le criminel. Et ce, dès 1854. La Guyane, c'est à 7000 km d'ici. La Nouvelle-Calédonie, c'est à 15000. Autrement dit, tout est fait pour que ces gens-là ne reviennent pas. D'autant plus que la loi de 1854 prévoit, dans son article 4 ou dans son article 8, me semble-t-il, ce qu'on appelle le doublage. Les condamnés aux travaux forcés doivent faire le même temps de résidence que leur temps de condamnation. S'ils sont condamnés, par exemple, à 4 ans de travaux forcés, ils doivent rester sur la colonie 4 ans. S'ils sont condamnés à plus de 8 ans, là, la résidence devient perpétuelle. Donc, ils sont condamnés finalement à mourir en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie. Faut savoir quand même que la majorité des cours d'assises de l'époque condamnaient à plus de 8 ans. Donc forcément, j'allais dire, c'est un moyen trouvé à l'époque pour résoudre le problème de l'insécurité, de la criminalité. Deuxième point qui montre que on cherche à les éliminer par l'éloignement, c'est que lorsqu'ils ont fini leur temps de résidence, lorsqu'ils ont purgé leur double peine, ils peuvent rentrer en métropole, mais c'est à leurs frais. Et ils n'ont pas d'argent et ils n'arrivent pas à s'employer, notamment en Guyane. Là, je vous renvoie aux écrits d'Albert Londres qui disait que le vrai bagne commence à la libération. Alors, pour la simple et bonne raison que la population libre des colonies de Guyane va préférer employer le bagnard plutôt que le libérer, parce que le bagnard, c'est quasiment gratuit. Donc, quand ils ne meurent pas, ils sont éloignés. Donc on va mourir à petit feu, et c'est l'intérêt de la deuxième partie du livre du docteur Collin, qui s'appelle donc « Fin de bagne en Nouvelle-Calédonie », parce que lorsqu'il est en Nouvelle-Calédonie, entre 1910 et 1913, on a arrêté la transportation depuis, 1897. Ce qui veut dire que, à la différence du bagne où il voit des hommes entre 20 et 30 ans, là il va voir des vieillards, puisqu'on attend que les derniers bagnards meurent pour fermer le bagne, chose qui sera effective dans les années 20, me semble-t-il. Et il voit un spectacle de mort. Là, ce sont des lépreux que l'on enferme sur l'île de... Non, qu'on n'enferme pas, mais qui sont sur l'île de Nou. Et il raconte que les mains quasiment tombent, que les corps sont complètement décharnés. Et il les voit, donc il voit des vieillards qu'on laisse mourir. Quoi. Le bagne est devenu un mouroir. Et en ce sens, il devient... le propos du docteur Collin devient une dénonciation virulente, avec des mots extrêmement féroces sur cette incurie qu'a été cette institution pénitentiaire coloniale. Il en veut à la gabegie administrative, il en veut à la férocité des surveillants qui prennent le bagnard pour ce que finalement ce que Dominique Khalifa appelle le bas-fond des bas-fonds. Le bagne, c'est vraiment le bas-fond des bas-fonds, et donc on peut faire tout avec ces hommes-là. Finalement, le propos de Léon Collin, il rejoint celui d'un de ses collègues. Ils sont du même âge, Louis Rousseau. Il est né pareil comme Léon Collin, il est né en 1880. Et à la différence près, c'est que Léon Collin, il visite le bagne 20 ans avant Louis Rousseau. Et en tout cas, 20 ans avant que Louis Rousseau ne fasse... son fameux livre Un médecin au bagne, qui est considéré comme un des meilleurs témoignages, même par les historiens d'aujourd'hui, sur la question. Et dans le livre du docteur Rousseau, on va retrouver ce que montre Léon Collin dans son reportage, à savoir un système éliminatoire, le dessin qui est la seule illustration du médecin au bagne, et celui du forçat matricule 34-777. Il émane d'Alexandre Jacob et il montre le système bagne comme un triple estomac où on retrouve les trois types de bagnards, même s'il n'y a pas les déportés, ce qui montre que finalement il y avait encore qu'il y a la réclusion coloniale, mais on retrouve la relégation, la transportation et la résidence perpétuelle, et les seuls moyens de sortir de ce système, où vous envoie les rouages de la justice qui sont en haut, qui alimentent finalement la machine, les estomacs, autrement dit, la justice n'est pas là pour punir, mais pour alimenter le système. Les seuls moyens que l'on a pour se sortir du bagne, ce sont les gros trous que l'on a en dessous, et où Alexandre Jacob a écrit immortalité. Il reste juste un moyen, l'infime partie des gens qui sont sortis vivants et que l'on voit par le robinet qui fuit de ce côté-là. Et 20 ans après, à un moment où, et je terminerai par là, à un moment où Léon Collin écrit ses notes et photographie ses bagnards, on a le même type de propos. À la seule différence près, c'est que lorsque Louis Rousseau écrit Un médecin au bagne, on est en 1930, c'est l'effet Albert Londres, on a de véritables campagnes médiatiques pour faire fermer le bagne, ce qui sera effectif en 1938, alors que lorsque Léon Collin, là le bagne, il est réellement sous un âge. Personne, à part quelques cercles de criminologues, vont se mettre à critiquer cela. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc le livre dont vient de nous parler Jean-Marc est ici. Bon, le prix normal est 32, on vous fait spécial prix soirée à 20€. Profitez-en. Donc maintenant la parole est à vous si vous avez des questions à poser sur le bagne, sur le bagne de Guyane, sur celui de Nouvelle-Calédonie ou sur Jacob, puisque profitez-en, Jean-Marc est le spécialiste international de Jacob. Universel. Universel. c'est pas simplement le, la transcription des carnets de, du médecin, donc tu fais des commentaires aussi. Tu, il y a des notes. Évidemment. C'est quand je dis que ça nous a pris 2 ans et demi, c'est qu'il a fallu travailler ces notes-là. Il a fallu rechercher tous les noms parce que les connus, c'était facile, Soleillant. Tu trouves ça partout, mais quelqu'un comme Taillefer, qui aujourd'hui, dont le nom nous est aujourd'hui inconnu, il a fallu, c'est un des premiers qui a braqué des trains en France, à la gare de Toulouse, Matapio, et ainsi de suite. Le Gianelli, j'ai voulu savoir qui c'est, et donc il a fallu chercher. Alors pendant que moi je mets les yeux, c'est pour ça que j'ai des lunettes sur Gallica, c'est terrible l'internet pour ça. Philippe Collin, qui habite plus près des archives d'Aix-en-Provence, lui, il est allé fouiller chaque dossier de Bagnères, enfin tout ce qu'il a pu. On a reçu l'aide précieuse de certains historiens du bagne, comme José-Louis Barbonson, qui est spécialiste du bagne néo-calédonien, comme Jean-Lucien Sanchez, qui est spécialiste de la relégation, comme Franck Sénateur, qui a travaillé sur le transport de Loire ou le Martinien. Après, ça a été des aides précieuses pour comprendre finalement tout ce qu'il écrit. Quand il parle, quand il photographie les bagnards, ce personnage qu'on aperçoit là, dans le diaporama, donc Ange Cambré qui a vraiment une gueule, il a fallu trouver pourquoi il se retrouvait là. Alors bien sûr, Léon Collin le dit, mais il a fallu trouver l'article de presse, le dossier. Et puis, il a fallu expliquer pourquoi il en parle de cette manière, parce qu'il dit, ah ben oui, vous voyez, Ange Cambré, il a des oreilles bien pointues, ce qui est caractéristique de sa propension à la pédophilie. Alors, il dit pas ça comme ça, mais ça veut dire ça. Autrement dit, cet homme-là, il est complètement dans son temps, dans ce temps où on avait des conceptions lombrosiennes de la... du crime, à savoir que Lombroso, c'est celui qui a étudié les crânes de criminels et qui a fait le faciès du crime. Il y a une photo qui est ahurissante à l'intérieur, où vous verrez un condamné marseillais qui a un crâne complètement difforme, pour l'angle de la prise de vue montre que le crâne, et là il explique tout par cette difformité. Et c'est plus qu'une galerie de monstres. Il montre des conceptions complètement lombrosiennes. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a ça, il y a le fait qu'il soit d'un racisme hallucinant, mais finalement pas étonnant pour l'époque, le même que celui que j'ai montré dans la photo de l'assiette au beurre, que quand il parle des Kanaks ou des tribus indiennes, c'est des feignants, c'est des sous-hommes. Ça correspond finalement au discours de Jules Ferry de 1886. Où on a formé des instits, des médecins, à civiliser les races inférieures, parce que nous, nous sommes les races supérieures. Dans la mentalité de cet homme-là, c'est ça, c'est exactement ça, sauf que petit à petit, l'horreur qu'il voit le fait changer d'avis. Le fait changer d'avis. À un moment, quand il parle de Vérégold, l'assassin de cette riche danoise, il est plein d'humanité pour lui. Il ne comprend pas pourquoi un petit vieux on le traite comme ça. Quand il assiste à une exécution aux îles du Salut, il hurle d'horreur en voyant le bagnard qui se pisse littéralement dessus et qui pleure sa mère parce qu'on va lui tirer la tête. Quand il visite les mouroirs de Nouvelle-Calédonie, il va parler de phénol et on sent tout de suite les odeurs de pisse et de mort. Et finalement, il s'insurge contre ça. Et ça, c'est littéralement étonnant parce que ça n'existe quasiment jamais pas à l'époque. Et il montre réellement une œuvre de mort. Quoi. C'est, faut savoir que le bagne, c'est 10% de mortalité annuelle de sa création en 1854 jusqu'à l'arrêt des transports en 1938. Et c'est qu'une moyenne, hein. Ce qui veut dire qu'il y a des fois où ça monte à 18-20%, comme par exemple en 1918 où la grippe espagnole va frapper, mais alors plus qu'ailleurs dans le monde, la Guyane. Si je prends, et c'est pour ça aussi que j'aime bien polémiquer avec ces historiens du bagne qui disent « Ah mais non, le bagne ça n'a jamais été des camps de concentration, non, non. » Mais il n'empêche que si on prend les chiffres, hein, ils sont, en 1939, il ne reste plus que 3 000 bagnards. on a arrêté la transportation, donc ils sont, les effectifs normaux annuellement c'était 5 000, 6 000. 5 000, 6 000 bagnards. En 1939, ils sont plus que 3 000. Lorsqu'on arrête, en 1945, ils sont plus que 1 500. 1 500, ça fait que, il n'y a pas eu de, quasiment pas eu d'évasion et pas eu de libération. Ça veut dire qu'on a un taux de mortalité qui avoisine les 50%. Régulièrement, moi, j'emmène mes élèves au camp du Struthof, en Alsace, et le taux de mortalité du camp du Struthof est de 47%. Alors je sais bien qu'il faut comparer ce qui est comparable, mais là on a des taux de mortalité qui sont semblables. Alors c'est pas le même type de public, ça c'est vrai, mais il n'empêche que le but c'est quand même l'élimination. Pas forcément par la mort, mais par l'éloignement, ça c'est une évidence. Et ça, il le montre excellemment bien. La preuve des Rezovski, on se demande pourquoi. Je crois que c'est ce qui est intéressant dans la présentation. C'est de voir cette évolution de Dr. Collet qui part des clichés, des idées reçues qu'il y a dans la société par rapport à l'univers carcéral, puis qui, au fur et à mesure de sa connaissance, va dénoncer ce qu'il est en train de découvrir. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir que ces clichés, ces idées reçues, ce sont les mêmes aujourd'hui par rapport à cet univers carcéral, même s'il a évolué. Mais il y a toujours cette idée que la prison, c'est l'hôtel 3 étoiles. Ah oui, le tas de et voilà. Et en fait, moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, parler de l'univers carcéral, il faut le faire à travers les témoignages, notamment les témoignages des prisonniers. Parce qu'on ne peut pas prendre conscience de ce qui s'y passe à travers des grandes phrases et des déclarations. Et on a une camarade qui est actuellement, elle vivait un peu plus dans la drogue, c'est une copine qui est bergère. Ça fait 3 ans qu'elle était incarcérée. Et au départ, ça a été des conneries, des petites peines, des sursis, des trucs comme ça qui se sont accumulés. On n'a pas fait trop gaffe. Puis jusqu'au jour où ça s'est cumulé, on est rentré à une cabane pour 2 ans. Et tous des trucs, des embrouilles qu'elle a eues avec la flicaille, avec les matons, des histoires d'outrage, de rébellion, des trucs comme ça. Et là, elle a morflé 2 ans de prison, ça fait 3 ans qu'elle y est, et elle risque d'y rester encore plusieurs années. Elle vient de passer, d'avoir un procès qui a été reporté. Le procès avait démarré quand même. Il y a eu un mouvement collectif qui a eu lieu dans la prison de Vivonne, auquel elle a participé, bien sûr, parce que c'est quelqu'un qui est de longue en train de lutter, quoi, qui n'accepte pas les conditions qui lui sont faites. Et elle risque, parce qu'il y a 6 matons, matons et direction de la prison qui se portent partie civile contre elle. Elle risque 6 ans de prison pour récidive, pour prendre 6 ans en plus, quoi. Et pour des trucs qui sont vraiment des fêtes vraiment minimes, quoi, de rien du tout. C'est-à-dire qu'on n'en sort plus de la prison si, en fait, tu demandes le respect de ta dignité, si tu veux être quelqu'un de respecté, quoi. Et la plupart des gens en ont l'idée des 3 étoiles aujourd'hui, quoi. Je crois que c'est très important de faire reconnaître ces témoignages et les témoignages de prisonniers. Alors, il y a un blog qui s'est créé autour de cette personne qui s'appelle Christine Ribali, cette camarade. Je vais laisser à la sortie des petites cartes où il y a son adresse, il y a l'adresse du blog, tout ça. Ceux qui veulent en savoir un peu plus, moi, je ne vais pas continuer à parler, vous prendrez connaissance là-dessus. Mais de toute façon, ce que tu viens de dire là rejoint finalement ce système-là où est-ce que finalement dit le sociologue états-unien Erving Goffman, le bagne, la prison, le bagne c'est la prison, hein, c'est une institution totale où tu n'existes que comme rouage interchangeable. Autrement dit, tu arrives au bagne, tu n'es pas là pour en sortir. ou alors quand t'en sors, t'es mort. Hein. C'est ce que montre Jacob avec ses dessins, ce que montre Léon Collin avec ses photos, notamment celle de Charvin. Et tu fais allusion au maton, à la flicaille. Là, c'est la même chose, c'est du droit de vie et de mort. Léon Collin cite des noms. On a retrouvé le nom de certains surveillants militaires qui sont reconnus pour des faits de violence envers les bagnards. Donc c'est le tabassage de bagnards, mise à nu de l'homme et on l'attache à un arbre. Et ces gens-là, leur dossier existe, ils ne sont pas punis, ils sont mutés avec une promotion. Aujourd'hui, tu as le malheur d'avoir une grosse crève, tu croises un flic, tu le regardes parce que tu as été un peu dans le truc, c'est tout de suite de l'outrage. C'est finalement le même système de répression. Et ça, c'est dans tous les systèmes politiques historiques, tu retrouves ça. Vas-y. Non, ce que je voulais dire, c'était qu'en plus, au bagne, je ne connais pas le milieu carcéral actuel, mais au bagne, en plus, il y avait un système de classe de bagnards qui leur faisait espérer, justement, qu'ils allaient pouvoir améliorer leur sort. Et ça, à mon avis, ça devait être terrible pour... Il y avait 5 classes au départ, et par la réforme de 1891, ça a été réduit à 3 classes de bagnards. Ça n'existe que pour les transporter. Pour les reléguer, il y a deux catégories. Pour les transporter, la troisième classe, c'est la majorité. C'est celle que tu as quand tu arrives, et c'est celle qui t'envoie aux travaux les plus durs. Tu passes à la deuxième classe au bout de 2 ou 3 ans sans punition, et là ton régime de vie s'améliore. Et pour passer à la première classe, je crois qu'il faut avoir purgé la moitié de sa peine ou avoir fait 10 ans quand t'es condamné à temps. Et là, tu peux être employé, chez les civils ou dans des entreprises comme main-d'œuvre carcérale. Mais et ton régime peut se confondre avec la semi-liberté. Mais ils n'ont pas d'autre choix que pour rejoindre ton propos, on n'a pas d'autre choix quand on est au bagne de je ne vais pas dire de se plier, mais ni d'accepter les processus de normation, mais de faire semblant. C'est ce qu'a fait Alexandre Jacob, notamment. Alors c'est vrai qu'il a tenté de s'évader, il a tenté de refuser, mais il est quand même passé à la seconde classe et à la première, et c'est parce qu'il est passé à la première classe dans les... en 1916, il me semble même que c'est le 1er avril 1916, qu'il a pu physiquement s'améliorer. Il ne faut pas oublier qu'un forçat comme Jacob, quand il est condamné à la réclusion sur les cachots du Saint-Joseph en 1909, il va subir 5 ans de cachot pour l'assassinat du forçat Calpelletti, qu'il avait tenté de l'empoisonner. En 1911, il écrit à sa mère qu'il pesait 39 kilos à la pesée avec ses chaussettes. Et 39 kilos à la pesée, il dit, et encore, j'avais mes chaussettes. Donc, si on n'accepte pas le principe du roseau, non pas de se soumettre, mais de plier, c'est la mort assurée. 5 ans d'espérance de vie à l'arrivée du bagnard. Et c'est ce que ne faut pas comprendre. Ne comprendront pas des forçats comme Jacob Lowe, qui, quand il parle d'Alexandre Jacob, ou même des travailleurs de la nuit qui sont allés au bagne, ou même de Dieudonné ou de Boé, de la bande à Mono, ils vont en parler comme des valets de l'administration, alors que les hommes ne font que d'essayer de survivre. Le seul combat dans une institution totale comme celle-là, où on est éloigné de tout, où les lettres sont lues, où les lettres sont censurées, c'est finalement je vais pas dire de faire le mort, mais de faire semblant. Et Jacob l'a très bien fait, hein, puisque ses lettres étaient codées, qu'il préparait d'activer ses réseaux de soutien de cette manière-là, et ainsi de suite. Sur une faute. Juste un mot pour expliquer qu'aujourd'hui, Christine, son problème, c'est qu'elle tient tête à l'administration et elle vit des choses, je n'ai pas voulu m'étendre, hein, elle vit des choses qui auraient pu se passer à cette époque-là, quoi, que les gens n'imaginent pas dans la prison. Par exemple, on l'a laissé, pour vous dire, ça fait 3 ans qu'elle y est, elle a fait 17 prisons déjà. Renaudot l'a fait tourner pour que sa famille ne la voit pas, pour regarder les copains, tout ça. Elle a fait plus de la moitié de sa peine en cachot, au mitard, ou en quartier d'isolement. Ils l'ont laissé dans certaines prisons, dans des cellules qui n'étaient pas chauffées. Elle a eu droit à se retrouver à poil et sans repas pendant une journée dans une cellule. Ils l'ont laissé contre tout règlement, tout droit, dans des quartiers d'isolement, sans promenade, à l'air libre. Elle a eu des tabassages par les fameuses équipes d'intervention, où ils y sont tombés en 15, et pas la dernière prison, mais si même quand ils l'ont transféré cette fois-ci, elle a droit à une quinzaine de ces gardes-là, et a échiné entrave au pied, entrave au nez. Le même moment, un tribunal comme ça, avec les entraves au pied, entrave au nez. C'est-à-dire que c'est la bête noire de l'administration pénitentiaire, et elle refuse, elle tient sa dignité, elle refuse les palpations, elle refuse, y compris la carte de prisonnier pour se déplacer dans la prison. Les conditions de vie qu'elle a aujourd'hui dans la prison d'aujourd'hui, elles sont plus proches du bagne, comme voilà, que ce qu'on pourrait s'imaginer normalement du fonctionnement d'une prison aujourd'hui, telle qu'elle est décrite dans le test. Je dirais juste que sur le fonctionnement de la prison matérielle, hein, ça ressemble plus à un panoptique de Batman, hein, tu sais, avec le rond central et les couloirs, que à ce qu'on avait au bagne. Et c'est pour ça qu'on le voit dans la photo où ils sont parqués, et où ils sont dans des cases. Les cases, c'est des structures rectangulaires qui doivent faire quelque chose comme 60 mètres de long sur 12 mètres de large, avec des planches en bois sur les côtés qui servent de lit, ce qu'on appelle des bafflants, et une tige de fer pour mettre la manille. C'est le seul moment où ils sont enfermés. La tige de fer étant suffisamment large, l'anneau étant suffisamment large, qu'ils sortent très, très souvent. Les cases sont fermées au retour de travail. Autrement dit, le forfa, il vit plus dans les cases que dans le travail, puisque le travail, ils font leur 8 heures par jour. Donc et là, c'est là que c'est mortifère, c'est là que s'exprime la vie carcérale dans toute son horreur, parce que c'est des jeux de domination dans la domination. Vas-y. C'était pour revenir à une photo qui s'est Alger, sur le port d'Alger, là, et on voit tous les bagnards assis, et l'encadrement, et c'est incroyable le nombre de gens avec le chapeau blanc. Je suppose oui, que mais c'est... pas. C'est la coloniale, c'est la marine au départ, après c'est la coloniale. Au bagne, c'est pas un encadrement très fort. C'est ce qui explique aussi la férocité des forçats. En Guyane, ils sont théoriquement 500 personnes, 500 surveillants. Ce qui te fait 1 pour 10 à peu près. Mais sachant que sur ces 500-là, tu en as au moins un cinquième, donc 100 qui n'est pas là parce qu'ils profitent de leur congé annuel. Tous les deux ans, ils ont droit à un congé de un an. Ça te ramène à 400, sans compter ceux qui se font porter pâle parce qu'ils tombent aussi malades que les bagnards. Tu as donc au moins 150-200 surveillants pour 5000-6000 bagnards. Ça t'explique encore plus la férocité dont ils ont fait preuve. On règne par la terreur, en fait. Et le système est tellement... c'est pas quelque chose d'original. Comme ils ne peuvent pas surveiller, on va prendre des auxiliaires de surveillance, ce qu'on appelle des pieds de biche, hein, ou des porte-clés. D'où la comparaison aussi avec les camps de concentration, puisqu'on retrouve le système des capots. Et on sait bien que les SS de Plancott n'étaient pas en nombre suffisant pour surveiller la masse de gens qui dirigeaient. Même chose au goulag. Hein. Mais là, pour le transport, ils en étaient beaucoup. Ça veut dire que la troupe accompagne. La troupe accompagne jusqu'au bateau. Alors là, on voit Alger, mais Léon Collin ne décrit pas Saint-Martin-de-Ré, mais quand... on embarque les forçats sur le Loire à Saint-Martin-de-Ré. Ça se fait, j'allais dire, en deux temps. Un, on sort de la prison de Saint-Martin-de-Ré tôt le matin. Toutes les fenêtres de Saint-Martin-de-Ré doivent être fermées parce que le spectacle ne doit pas être public. ce qui signifie que les gens à Saint-Martin-de-Ré, ils louent leurs pièces aux journalistes pour qu'ils prennent des photos. Les bagnards sont en rang par 5 ou par 6 et encadrés par des troupes. Tu regardes dans n'importe quelle carte postale de l'époque, tu verras ce genre de spectacle-là. Ouais, c'est tout. En revanche, ce qui est étonnant, c'est que tu vois dans la photo qu'on a projetée tout à l'heure, sur Alger, on voit des petits bateaux, c'est souvent les familles qui viennent saluer pour la dernière fois leur père, leur frère, leur... Est-ce que vous avez retrouvé un peu des familles, justement? Il y en a encore des familles? Non, là, ça, c'est du 1910-1913. Je suppose qu'il doit y avoir des... pour qu'il y ait de la famille, il doit y en avoir en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie, sauf que les bagnards n'ont quasiment pas fait souche en Guyane. En revanche, en Nouvelle-Calédonie, oui. Ça, c'est, on sait qu'une partie de la population Kadosh, donc les Blancs, est issue de la population bagnard. En Guyane, il n'y a que Léon Bertrand, la crapule politique, qui se revendique d'avoir un peu de sang bagnard. Autrement, ce n'est pas très bonne presse. Dans la communauté guyanaise, c'est difficile de dire qu'on descend d'un bagnard. Qu'on descend d'un bagnard, ça ne se dit pas. Donc, dans les derniers morts bagnards, ça ne se dit pas. Dans la société guyanaise, c'est quelque chose qui est très tabou. On ne dit pas qu'on vient de là. C'est quelque chose de tabou. Après, pour faire le trait d'union avec le camarade qui visiblement revient assez régulièrement sur la situation de sa camarade qui est en prison, il y a quand même une réflexion à mener sur la manière dont l'État français s'est débarrassé des penseurs, que ce soit les anarchistes ou ensuite les déportés politiques. Je ne sais pas si le médecin en question, il a arrêté ses carnets de voyage en Nouvelle-Calédonie, il n'est pas ensuite allé en Guyane sur les camps qui ont... accueilli les déportés politiques d'Indochine notamment. Ça c'est dans les années 20. Ça fait aussi partie de la deuxième partie. Les bagnes de Guyane se sont arrêtées avec les communistes indochinois. Et il faut savoir ça. Donc ça fait partie de l'histoire. Mais comment l'État français s'est débarrassé des gêneurs, des penseurs gêneurs. Peut-être il faut essayer d'aller vers là, pour faire un petit union, peut-être, je ne sais pas, entre l'histoire et maintenant. Ce qui est sûr, c'est que les Indochinois, il ne les a pas vus, c'est que les communards non plus, il ne les a pas vus. En revanche, les anarchistes non plus, il ne les a pas vus. Ce qui est sûr, c'est que les déportés politiques, au sens le plus large du terme, sur la Guyane comme sur la Nouvelle-Calédonie, ont toujours été une infime minorité. Même s'il y a eu 2 à 3 000 communards envoyés en Nouvelle-Calédonie. Mais à la différence près, c'est que ces communards, ils sont revenus. Mm-hmm. Pas forcément les Indochinois. Pas forcément les Indochinois et pas forcément les anarchistes. Il n'empêche que Léon Collin, il ne voit ni les uns ni les autres parce qu'il n'est pas dans le temps. Mais quand il va en Nouvelle-Calédonie, il retrouve la trace de... il évoque Rochefort, Rochefort et l'évasion de Rochefort en Nouvelle-Calédonie. Il va parler de Louise Michel, qui qualifie de princesse de l'anarchie, comme s'il y avait des princesses. Mais imaginez Louise Michel avec le... donc on retrouve de temps en temps. Mais quand il parle des anarchistes, les seuls moments... Il faut savoir aussi que les anarchistes n'étaient pas considérés comme des politiques, à la différence des anamites, des indochinois ou des communards. Puisque eux, ils dépendaient des lois scélérates de 1893-94, qui en faisaient des détenus de droit commun. Autrement dit, les anarchistes, eux, et quelques anarchistes, j'ai jamais parlé d'une trentaine ou d'une cinquantaine, eux vont subir une double peine. Première peine parce qu'ils sont un art et donc on va leur faire sentir que la propagande par le fait que les bombes de Ravachol en Rive Vaillant et Caserlieu on n'a pas trop aimé, et ça se répercute en Guyane, c'est ce qui explique la révolte de Saint-Joseph, surtout la répression de la pseudo-révolte de Saint-Joseph de 1894, qui a fait 12 morts, et parmi les 12 morts il y a eu 2 surveillants et tout le reste c'est des bagnards, tous anarchistes. C'est Simon, le complice de Ravachol, qui a été tiré par six surveillants qui ont entouré côté sur lequel il s'était réfugié. Donc il en tirait comme un lapin. Mais oui, non, ça, Léon Collin, il ne le parle pas, mais effectivement, oui. Mais c'est une pratique dont on va faire les années, mais qu'on va faire les communards, mais qui existe, pas, et ce qui n'est pas uniquement républicaine. La Révolution française a envoyé les prêtres réfractaires crever en Guyane aussi. Les premiers déportés. Il y a eu quelques communards aussi à Saint-Denis, je crois. Et toi qui es allé, j'imagine, un peu. Avec ça, la nomme, hein. Tu sais pourquoi on n'a pas accès au dossier anthropométrique et tout ça? Parce qu'il y a eu des photos aussi faites par des bagnards par l'administration, non? Non, je ne sais pas. Oui. Et vous n'avez pas eu droit? Non, dans les dossiers, il y a du papier, quoi. Ils datent de quand, les dossiers? Eh bien, ils sont pourtant à 120 ans, donc on devrait y avoir. Mais apparemment, certains dossiers personnels, notamment d'anarchistes, nous a dit qu'il fallait faire une demande. Motivée et avant. Mais même je pense que pour tous les dossiers individuels, il n'y a pas ce genre de relevé qui, pourtant, c'était bien la mode. Tu l'as expliqué un petit peu, là, lui, Bertillon, il est pas mal. Lombroso. Oui, Colin, il est à faire la demande. La concrétisation logistique de Lombroso. Après, si tu veux y avoir accès, faut contacter, soudoyer les conservateurs. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison plus que ça. Mais non, je vois pas. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi des photos d'il y a 120 ans, on peut passer. Et quel est l'intérêt politique à interdire ce. Ça me dépasse largement. Parce que vous avez dit que vous faisiez une recherche ou un truc comme ça ou Non, je pense que c'est général. Je pense que nous, on y allait pour consulter le dossier sur la révolte de 1894. Mais après, je pense pas que ça soit lié. C'est des choses qui reviennent dans les gens qui font des recherches sur. Logiquement, quand ils arrivent, des documents qui ne sont pas en accès libre. Quand ils passent, ils arrivent au Guyane, ils passent par un service anthropologique. C'est sûr. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, peut-être on peut continuer autour d'un verre. Oui. Bon, ben alors on va te remercier d'être venu. Il y a eu plus de monde qu'à la librairie Montpellier. Un peu. Merci à vous d'être venu à cette heure tardive et profiter des soldes sur le livre du docteur Collin. Et puis si vous voulez en savoir plus, bon là on va boire un coup dans la salle qui est à côté. Et puis si vous voulez poser toutes les questions sur CIRA, si vous voulez discuter avec